Après qu'Ursus eut vu Gwynplaine s'enfoncer sous la porte de la geôle de Southwark, il demeura, hagard, dans le recoin où il s'était mis en observation. C'est bien fait. Ah, le gueux, le brigand, le chenapan, le vaurien, le séditieux. Ce sont ses propos sur le gouvernement qui l'ont mené là. C'est un rebelle. J'avais chez moi un rebelle. J'en suis délivré. J'ai de la chance. Il nous compromettait. Fourré au bagne. Ah, tant mieux. M'en voilà délivré. Et me voilà débarrassé des deux, car Déa en mourra. Ah, que je suis content. Il rejoignit Lynn Tadcaster. Il arpenta la Grimbox en gesticulant. Quand elle va se réveiller, je lui dirai tout net de l'incident. La catastrophe ne se fera pas attendre. Gwynplaine dans la prison, Déa au cimetière. Moi, je continuerai de faire rouler le berlingot. Je congédierai les deux filles. C'est Homo qui va être étonné.